prend son essence dans la volonté de vivre, dans la volonté de suivre l'élan de notre naissance. Une bulle se détache, emportée par un courant, tel un papillon errant qui se cherche des attaches. Expérience du vide, du chaos et de la loi. Soulevant la mer se ride, la bulle n'a plus le choix. Bousculée par les orages, elle se construit une fois et grandit à chaque fois qu'une chose lui vient en rage. Échange. Au loin elle entend sonner la voix de ce qu'elle dérange. Mais fusion après fusion son amour devient plus fort. Qui a raison, qui a tort, la bulle pose des questions. La vérité est au fond dans le creux de nos entrailles. Ceux qui sont allés profonds savent qu'il faut du travail. Le réel est un miroir, les formes sont dans nos fronts. Et lorsque la neige fond, s'écoule un torrent d'espoir. Le chemin que tu prendras, non c'est pas celui-ci, non c'est pas celui-là, c'est sûrement le prochain, le chemin que tu prendras, non c'est pas celui-ci, non c'est pas celui-là, c'est sûrement le prochain, le chemin que tu prendras, non c'est pas celui-ci, non c'est pas celui-là, c'est sûrement le prochain, le chemin que tu prendras.